côté. Un jour, le premier à te caresser jusqu'à te brûler, pour avoir osé au creux de mes bras faire naître la femme qui dormait en toi. Je me sens coupable de t'avoir oublié, coupable, coupable, coupable d'être aimé, coupable, coupable, coupable à jamais, coupable du crime d'être dans ta vie une ombre entre toi et lui. Coupable, coupable, coupable d'être aimé. Pour t'avoir longtemps, longtemps fait l'amour, que tu me le fais, tout sans y penser, pour t'être à jamais le seul souvenir, donc nul ne pourra jamais te guérir. Oui, je suis coupable de t'avoir oublié. Coupable, coupable, coupable d'être aimé, coupable, coupable, coupable à jamais, coupable du crime d'être dans ta vie une ombre entre toi et lui. Coupable, coupable, coupable d'être aimé. Jusqu'à te brûler, pour avoir osé au creux de mes bras faire naître la femme qui dormait en toi. Je me sens coupable de t'avoir oublié. Coupable, coupable, coupable d'être aimé, coupable, coupable, coupable à jamais, coupable du crime d'être dans ta vie une ombre entre toi et lui, coupable, coupable. vie.